La Cité internationale de la gastronomie de Lyon présente l'exposition Microbiote, d'après le best-seller Le charme discret de l'intestin. Un voyage au cœur du corps humain pour tout savoir, ou presque, sur ce qui se joue dans ce second cerveau qu'est notre intestin. Une exposition immersive, pédagogique et drôle pour tous les âges. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Microbiote, à découvrir jusqu'au 30 juin, Grand Cloître de l'Hôtel Dieu Lyon 2e, métro Bellecour. Plus d'infos sur grandlyon.com/cité-gastronomie. Merci Marie, à la semaine prochaine. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quel statut donner à ceux qui manquent ? Depuis quelques décennies, les physiciens savent que l'univers, plutôt que de voir la vie en rose, consacre l'essentiel de ses journées à broyer du noir. À broyer du noir sous forme, disent-ils, de matière noire et d'énergie noire. Coupons la poire noire en deux et ne parlons que de la matière noire. L'observation de la dynamique des galaxies incite à supposer que leur partie visible est enveloppée par une masse énorme de matière invisible. Il y aurait en somme une matière supplémentaire qui agirait gravitationnellement, mais n'émettrait pas de lumière. Une matière de nature inconnue qui manque donc au tableau de chasse de la physique. D'où l'excitation qu'elle provoque chez les chercheurs. Car si elle existe bel et bien, cette matière noire est nécessairement composée de particules qui n'ont jamais été détectées. Mais lesquelles ? Nul ne le sait. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que ces particules doivent être massives, dépourvues de charge électrique, avoir été produite dans l'univers primordial et être suffisamment stable pour être encore présente dans l'univers. D'intenses recherches sont en cours qui n'ont encore rien donné. Mais que faudrait-il conclure si l'on ne parvenait pas à détecter de telles particules ? Qu'elles n'existent pas ? Pas forcément, car l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Mais alors, quel statut ontologique faudrait-il alors donner à cette matière manquante ? À cette matière qui manque ? Ce type de question renvoie à un problème bien plus général, qui déborde du cadre de la seule physique et percute quasiment toute l'histoire de la philosophie. Comment penser le manque? Quel statut lui donner? Et d'abord, comment le définir? Existe-t-il une véritable métaphysique du manque? Sinon, d'où vient qu'elle manque encore? Pour répondre à cette question, à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Mazarine Pinjot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à Sciences Po Bordeaux. Et vous venez de publier un livre qui répond à la question, qui s'intitule « Vivre sans, une philosophie du manque », qui est donc paru chez Climat. J'ai parlé de physique dans mon introduction, est-ce que ça vous intéresse la physique ? Ah oui, ça me passionne. Malheureusement, je n'ai pas toutes les clés, mais j'aimerais les avoir. C'est un continent formidable. De toute façon, la physique et la philosophie ont partie liée. Enfin, il y a quelque chose à voir avec la physique, avec l'astrophysique. Les physiciens sont des ontologistes. Il y a toujours une tendance métaphysique chez les physiciens. Mais en plus, ils utilisent des équations qui parfois disent ce qui manque. Par exemple, les équations de Maxwell prédisaient l'existence des ondes électromagnétiques et puis on a fini par les découvrir parce que les équations les réclamaient. Donc elles nomment le manque et le manque est comblé par des recherches. Parfois on trouve rien, c'est le cas pour la matière noire jusqu'à maintenant en tout cas. Et puis il y a des cas encore plus spectaculaires avec la prédiction des trous noirs par les équations d'Einstein, des ondes gravitationnelles, les quarks, etc. Donc et on formalise le manque, on formalise ce qui manque, enfin on formalise l'espace du manque sans nécessairement dire ce qui manque. Et donc, d'une certaine manière, il y a quand même une forme de circonscription du manque. Donc, c'est très intéressant. L'idée, ça serait d'essayer de penser un manque qui soit total, enfin, qui soit justement pas un manque de quelque chose, enfin, qu'on puisse pas circonscrire, qui soit d'un autre ordre. Mais il y a aussi le grand débat qui a duré pendant plusieurs décennies entre Einstein et Bohr sur la mécanique quantique. Einstein disait qu'elle était certes efficace, mais qu'il lui manquait quelque chose. Parce que si on la prenait telle qu'elle, elle prédisait des choses qu'il jugeait incroyables. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'intrication quantique, il lui manquait ce qu'il appelait, ou ce qu'on appelle des paramètres cachés, qui, si on pouvait les connaître, remettraient les choses en ordre. Et Niels Bohr s'opposait à cette conception. Et c'est finalement une expérience, ou plusieurs expériences menées notamment par Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel en 2022, qui ont conclu l'affaire. C'est une expérience de physique qui a conclu une question presque métaphysique. Et alors dans quel sens ? Dans le sens où Einstein a raison en disant que la mécanique quantique prédit des choses extraordinaires, mais il a tort parce que les variables cachées qu'il invoquait n'existent pas. Ça, vraiment, ça va nous aider, ça. Mais alors qu'est-ce qui, vous, en tant que philosophe, vous a intéressé dans cette question du manque qui fait pas partie des questions traditionnelles de la philosophie? Ouais, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on peut prendre le manque à partir de différents angles, un angle très pragmatique, sociologique, politique, enfin voilà, on peut effeuiller comme ça plusieurs étages, et notamment un manque politique, enfin où on peut considérer par exemple que la société de consommation, que le marché s'alimente au manque et alimente le manque et ne peut fonctionner qu'à condition que le manque renaissent toujours de ses cendres. Donc ça, c'est un niveau quasiment anthropologique, je dirais. Et puis, il y a un niveau plus métaphysique qui m'intéresse, mais j'essaie d'articuler les deux, qui rejoint un petit peu, justement, les questionnements physiques que vous avez évoqués juste avant, et qui serait à la fois qui renverrait à quelque chose qui serait de l'ordre de la condition humaine. Nous sommes des êtres manquants. Mais aussi à l'idée que peut-être que la rationalité, puisque finalement il est aussi question de la rationalité, ne peut pas tout comprendre. Et que ce qu'elle ne peut pas comprendre, c'est pas parce qu'elle n'a pas encore compris, c'est justement parce que ça n'est pas de l'ordre du connaissable. Et donc ce que j'essaie d'interroger, c'est un différentiel d'ordre, enfin quelque chose qui soit de l'ordre dont on ne puisse pas parler, parce que précisément le langage est toujours une manière de se réapproprier quelque chose par la connaissance, par l'inscription dans la grammaire, mais dont on est quand même obligé de parler parce qu'on en a une idée. Et en fait, la meilleure modélisation de ça, c'est l'idée d'infini dans la troisième méditation chez Descartes, c'est-à-dire cet infini. On en a l'idée, mais on peut pas le comprendre. On peut pas le comprendre parce que ça nous déborde. Et je trouvais que cette modélisation que va reprendre ensuite à son compte Lévinas, lorsqu'il dit on a une relation de la non-relation. En fait, on a une relation à quelque chose qui serait l'infini, l'absolu. Mais si on dit qu'on est en lien avec l'absolu, ben ça le relativise, donc c'est plus un absolu. Et donc comment on peut arriver à penser l'infini sans pour autant le dégrader en fini, puisque nous sommes des êtres finis. Donc voilà, ben ça c'était la modélisation un peu métaphysique de ce que j'essaye de penser. Mais par ailleurs, j'essaie quand même de l'articuler, encore une fois, à un niveau aussi plus pragmatique, qui est comment aujourd'hui une certaine forme de dialectique que dit le marketing de manière lumineuse a transformé l'absence en plein. Et comment en fait, y compris dans la philosophie du XXe siècle, il est quasiment intolérable d'accepter l'idée du manque, d'accepter l'idée du néant, enfin d'accepter l'idée du vide, du trou, enfin de ce qui n'est pas réappropriable, justement. Mais c'est contradictoire, Mazarine Pinjot, avec l'idée qu'on nous vend de plus en plus du sang SANS, c'est-à-dire des produits qui sont définis par le fait qu'ils ne contiennent pas certaines choses dont on ne savait pas avant qu'elles étaient retirées que ces produits les contenaient. Oui, il y a toute une campagne. Donner une liste. Bien sûr, sans gluten, sans sulfate, sans sulfite, sans alcool, la liste est infinie. Bientôt, on consommera du sang tout court. Enfin, mais quand même avec les qualités de ce qu'on vient chercher. Quand on dit sans alcool, c'est pour dire quand même qu'il y a quelque chose qui ressemble à de l'alcool. Ou quand on dit sans sucre, c'est qu'il y a quand même l'idée qu'on va manger quelque chose qui ressemble à du sucré, même si c'est du sang. Mais c'est un sang qui est positif. C'est que le sang, c'est mieux qu'avec. Bien sûr. Alors, c'est certain que ça vient rééquilibrer des excès inverses qui a eu lieu notamment dans les années 60-70 avec une agriculture intensive, enfin voilà, une utilisation de produits nocifs, aujourd'hui en tout cas identifiés comme nocifs, donc ça va dans le sens du progrès. Mais néanmoins, on peut quand même s'interroger sur cette profusion de la présupposition sang qui en effet nous montre que moins il y a d'ingrédients, enfin en tout cas ces ingrédients dans les produits, plus on va les acheter cher. Et non seulement c'est une valeur ajoutée monétaire, mais c'est aussi une valeur ajoutée éthique. Et c'est là où le tour de passe-passe est remarquable, c'est que en consommant de la Nutella sans huile de palme, on a l'impression en plus de faire un acte engagé de citoyen qui est en train d'œuvrer contre la crise écologique. C'est-à-dire que manger devient un acte moral ? Exactement. Manger devient un acte moral. Mais est-ce que c'est justifié pour retirer certains produits des aliments qu'on nous vend ? Est-ce que ça ne demande pas un effort de la part du producteur qui justifie que le prix soit plus élevé? Non, mais bien sûr, que le prix soit plus élevé, c'est normal lorsqu'on produit autrement et que ça demande de prendre plus de risques sur des plus petites parcelles. Enfin, bien sûr, tout ça s'explique de manière très rationnelle. Ce qui m'intéresse, c'est d'écouter la logique inhérente au mot d'ordre publicitaire. C'est comment on a réussi à transformer cette absence en présence. Et d'une certaine manière, à partir du moment où c'est un petit peu la logique capitaliste, hein, d'arriver à récupérer ses restes, c'est comme la société du spectacle, hein, on fait toujours profit de ce qui fait résistance, on arrive à l'intégrer, hein, c'est une forme de dialectique, et on peut se dire qu'à partir du moment où le sang veut dire du plus, ça va être très, très difficile quand même de penser la décroissance, parce que finalement, il y a une manière pour le capitalisme de réinscrire la décroissance dans un mouvement capitaliste. Et voilà, donc à partir du moment où on a compris cette transsubstantiation, cette transformation du moi en plus, toutes les propositions qui iront vers le moins risquent d'être récupérées par une dialectique. Mais ça veut dire, Mazarine Pinjot, que le sang, SANS encore une fois, est transformé en valeur ajoutée. Et si c'est une valeur ajoutée, le capitalisme peut s'en saisir. Bien sûr. Au sens que Marx donnait à cette notion. Absolument. C'est une valeur ajoutée. Et encore une fois, c'est une valeur ajoutée qui intègre une forme d'éthique, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme d'éthique, même si je pense que ça n'est pas justement l'éthique doit pouvoir résister à la ressaisie du marché, mais précisément le marché est un peu totalitaire dans sa forme, dans la mesure où il investit absolument tous les champs, y compris les champs qu'on aurait pu penser sanctuariser, et comme le champ de l'éthique par exemple. Alors il y a un artiste qui s'appelle Miller Levy qui a écrit cette phrase à propos de laquelle j'aimerais avoir vos jugements, à votre avis. Il a écrit « Les choses qui n'existent pas pour rien ». Bon, ça vous fait rire, C'est pas mal. Ouais, oulala, c'est profond, hein, on peut... C'est à plusieurs tiroirs. Ouais, c'est pas mal du tout. Et dans votre livre, Mazarine Pinjot, vous citez beaucoup de personnages illustres ou des mythes, comme celui de Prométhée. Parlons de Prométhée, justement. Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre affaire du manque? En quoi est-ce qu'il illustre une forme de transition? Est-ce que c'est parce qu'il montre que l'homme, s'il est privé du feu, est un être démuni? Ah, bien sûr. Le Prométhée, c'est vraiment le mythe qui montre et qu'on peut interpréter de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, les philosophes ne s'en sont pas privés. C'est le mythe de celui qui est absolument démuni, vulnérable. Hein. Son frère a distribué toutes les qualités à tous les animaux de la terre. Il ne reste rien à l'homme. Il est nu. Et donc, pour survivre, eh bien, Prométhée va avoir l'idée d'aller voler le feu aux dieux. Et ce faisant, il commet un double acte qui est d'un côté l'invention de la technique qui va permettre de faire entrer l'homme dans le champ culturel et sortir de sa condition naturelle. Mais de l'autre côté, il va quand même faire un acte de transgression puisqu'il vole aux dieux le feu. Et donc aujourd'hui, on le paye cher, hein, d'une certaine manière. On pourrait dire que c'est aussi une métaphore de la crise écologique puisque il y a quand même un coût et il y a un prix à payer pour cette hubris. Mais la figure de Prométhée, là où elle est intéressante par rapport au manque, c'est que c'est bien du manque et de la vulnérabilité que l'homme va être obligé de sublimer, de transformer ce manque en quelque chose d'autre et en quelque chose qui serait de l'ordre du symbolique et non pas de l'ordre du naturel. Et donc c'est en transformant justement et en entrant dans le champ de la culture que l'homme devient homme. Et donc c'est vraiment à partir du manque qu'il peut constituer ce champ symbolique et ce champ culturel. Donc une société, de la politique, etc. De tout, du sens. En fait, ce qui est intéressant dans le manque, le langage par exemple, il se constitue du manque. On ne nomme quelque chose que lorsqu'il est absent. S'il est présent, on n'a pas besoin de le nommer. Ou de parler. Si tout était déjà là et de manière littérale, on n'aurait pas besoin de parler. Donc tout ce qui est de l'ordre du symbolique vient effectivement... à la fois remplacer les objets manquants, mais aussi tenter de leur conférer un sens. Et c'est par ce manque-là qu'on accède au champ du sens. Et d'une certaine manière, c'est le lien qu'il y a entre le manque, la condition humaine, et le fait pour l'homme de devenir homme, tout simplement. Et puis, une deuxième chose qui serait ce qu'on pourrait appeler la conscience, et qui consiste, et là, c'est intéressant par rapport notamment à l'intelligence artificielle ou au transhumanisme, qui consiste à essayer de qualifier l'intelligence humaine, non pas par un ajout permanent ou par une augmentation, comme le promet le transhumanisme, mais au contraire par une soustraction. Et la conscience, c'est une forme de soustraction. C'est-à-dire qu'on questionne, on introduit du doute, on introduit du vide dans le plein. Et c'est vrai que si on considère que l'intelligence humaine peut s'évaluer à l'aune de l'intelligence artificielle, par exemple, ben, l'homme sera toujours battu. En revanche, si on considère que l'intelligence humaine, c'est la capacité de poser des questions et donc d'introduire du vide dans le plein, alors on pourra toujours distinguer l'homme de sa création. Mais il y a aussi du vide dans la science elle-même. La science ne nous dit pas ce que nous devons faire des potentialités technologiques qu'elle rend possible. D'où la multiplication que vous décrivez d'ailleurs très bien dans votre livre, des comités en tout genre, notamment de bioéthique, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait en matière de clonage, de GPA, d'IA justement. Et ça c'est aussi une dérive de la science, de croire qu'elle n'est plus qu'un discours sur les choses, et de prétendre à l'être, quoi, de prétendre à être une ontologie. Bien sûr que la science est toujours une interprétation, je relativise pas du tout, la science c'est pas du tout mon propos, mais ça reste... l'interprétation et l'explication rationnelle qui peut pas se substituer ou qui ne peut pas remplacer l'être lui-même. Et donc, à partir du moment où la science poursuit son chemin, ben, de l'autre côté, il faut quand même essayer d'en interroger les implications éthiques, les implications pour la société. Enfin, voilà, et c'est vrai que la rapidité du progrès scientifique, ou en tout cas son autonomie contraint d'avoir une réflexion politique sur les implications. Mais est-ce que le manque, je ne vais pas faire de la psychanalyse de café, mais est-ce que ce n'est pas la racine du désir ? Si, bien sûr. Mais sauf que, et c'est ça le problème, c'est que le désir, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Et d'ailleurs, l'histoire de la philosophie l'a interprété de façons différentes. Il y a le désir qui serait... Même trois façons, je dirais. Il y a deux manières qui sont canoniques et vraiment fondamentales, qui seraient le désir au sens de puissance d'être, le conatus de Spinoza, enfin voilà, le désir d'être. Et puis, il y a une autre manière, de l'autre côté du spectre, qui serait le désir d'avoir. Je dirais, c'est Calliclès, c'est... Calliclès, pourquoi ? C'est celui qui veut toujours plus, quoi. Enfin, c'est ce qu'on appelle la pléonexie, c'est... Il associe le bonheur, le plaisir et... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut désirer pour se sentir vivant, et il n'a pas tort non plus. Enfin, il faut désirer pour se sentir vivant, mais ce qu'on désire, ce sont des biens pour le corps, des jouissances. Enfin, Calliclès, c'est un post-moderne, en fait. Complètement, c'est totalement un post-moderne. Et lui, il considère que justement... Le désir ne doit pas être satisfait pour renaître incessamment de ses cendres, et que c'est cette quête permanente qui met en mouvement et qui fait le sens de la vie. Et puis il y a un troisième désir qui serait le désir métaphysique, là, au sens de Lévinas, et qui n'est pas la puissance d'être, mais qui est au contraire le désir de... C'est difficile à dire. Qui n'est pas non plus le désir d'avoir, le désir de choses, mais qui est le désir qui s'alimente justement au manque constitutif. Est-ce que le manque dont vous parlez dans votre livre, Marine Pinjot, peut être comblé par la sagesse ? Je pense pas, mais une grande part de la philosophie antique, bien d'après sûr, ce que j'ai compris. Bien sûr, toute la philosophie antique va essayer en fait de dégager le désir, enfin va essayer d'en finir avec le désir pour, en tout cas, le réinscrire dans ses limites naturelles. Le désir est en danger pour les philosophes grecs. Les philosophes grecs, ils cherchent la sagesse, et donc le désir, il faut d'abord essayer le connaître, le comprendre et le limiter. Et donc toute la force d'âme consiste à tenir à distance ses désirs, et surtout les désirs excessifs qui viendraient créer du trouble. Aujourd'hui, il y a une certaine pensée qui revient à cette idée de la satisfaction des désirs, qui serait un peu la sobriété heureuse, comme selon la formulation de Pierre Rabhi, par exemple, mais qui consiste là aussi à essayer de se satisfaire de peu, enfin en gros, pour le dire rapidement, et donc à combler le désir, parce que si on limite le désir, on peut le combler. Or, il me semble que le désir ne peut pas être comblé. que c'est une contradiction de prétendre vouloir combler le désir. En revanche, il faut remplacer les objets de consommation qui ne combleront pas en effet le désir par peut-être quelque chose d'autre qui serait de l'ordre de la sublimation, de la symbolisation et qui serait de l'ordre de la création. Voilà, dans un artiste qui crée, il est dans un désir permanent mais qui se transforme en création et non pas en satisfaction du désir. Et le désir de Don Juan, on le met dans quelle catégorie ? C'est pas vraiment de la sagesse. Non, pas du tout. C'est même un peu de la névrose de répétition. Le désir de Don Juan, c'est tel qu'on. Là aussi, on peut avoir plusieurs lectures, hein, mais le désir de Don Juan, c'est justement le désir d'avoir toujours plus et de ne jamais être satisfait. Mais parce qu'en fait, il se trompe d'objet. Le fait de satisfaire son désir de femme ne comble pas un désir plus radical. Mais comme il n'identifie pas son désir plus radical, ça sera une course sans fin et effrénée de la consommation. Très clairement, lui, il résout son problème de désir. Enfin, en fait, il ne le résout pas par la consommation. À ce propos, vous citez une psychanalyste, Sylvia Lippi, et la phrase que vous citez est une phrase que je ne comprends pas, donc je vais vous demander de me l'expliquer si c'est possible. Vous dites, enfin elle dit plutôt, vous la citez, en ce sens, le donjuanisme est un symptôme sur le versant hystérique et obsessionnel et non une conduite structurale masculine. Fin de citation. J'ai pas compris. En tout cas, c'est une pathologie, quoi. C'est pas ça, j'ai compris. C'est pas propre au désir masculin. Voilà, il pourrait y avoir un autre désir masculin que le donjuanisme. Alors, il y a plusieurs chapitres dans votre livre Mazarine Pinjot qui m'ont surpris par leur présence, parce que vous dites que la révolution scientifique, celle du 17e, disons, avec des personnages comme Galilée, Pascal et quelques autres, a changé complètement la façon de penser cette question du manque. Alors qu'est-ce que, c'est un peu la même question que tout à l'heure avec Prométhée, qu'est-ce que Galilée vient apporter ou changer dans la question du statut du manque ? Voilà, devant un scientifique, je vais forcément dire des bêtises, mais c'est pas grave, allons-y. Pour moi, ce qui vient changer radicalement au XVIIe siècle, avec Galilée et surtout avec Descartes, c'est comme je le disais tout à l'heure, mais donc peut-être sous une autre formule, c'est vraiment la question de l'infini. À partir du moment où on découvre l'infinité de l'univers, forcément le rapport au monde change radicalement. On passe quand même, alors pas du jour au lendemain, mais pour le faire court, comme le disait le titre d'Alexandre Coiré, du monde clos à l'univers infini. Et forcément l'illimité, alors l'infini qu'on dit indéfini, pour le distinguer de l'infini positif de Dieu, hein, il y aurait l'infini qui serait absolu, celui de Dieu, et puis l'indéfini qui serait l'indéfini mathématique, où on peut toujours ajouter une unité, qui est en tout cas un illimité, on va dire, va évidemment changer toute la perspective et va changer notamment le rapport de l'homme au monde, aux autres, et c'est ce qui va donner lieu, finalement, enfin en tout cas la sortie de la crise épistémologique que traverse le 16e et le début du 17e siècle, va déboucher sur la découverte du cogito, qui est quand même une nouvelle assise, un nouveau point d'ancrage, un point d'Archimède, qui est hors de l'univers. Et c'est le nouveau fondement, ne se trouve pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais sauf qu'il se trouve à l'extérieur d'un infini. Il n'y a pas d'extérieur à l'infini. Donc il est d'un autre ordre. Pour moi, c'est la révolution absolue. Alors je comprends bien, je suis même d'accord avec vous. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que Galilée, c'est celui qui comprend que le monde dans lequel nous vivons, et quand je parle du monde, je ne parle pas de l'univers. À l'époque, il y avait, avant lui, en tout cas, on considérait qu'il y avait deux mondes, un monde jusqu'à la Lune. Et le monde extra-lunaire. Ouais. C'est deux mondes différents, constitués de matières différentes, régis par des lois différentes. Lui, il comprend qu'il n'y a qu'un seul monde. C'est l'homogénéisation. Qu'un seul univers. Et en fait, le monde dans lequel nous vivons, là, on est sur Terre, on n'est pas dans le vide, etc. C'est un monde qui est au contraire, est trop plein. Et c'est-à-dire, étant plein de choses qui nous trompent. Par exemple, on ne vit pas dans le vide, on vit dans l'atmosphère. Et du coup, on se trompe sur la loi de la chute des corps parce qu'on a l'impression que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Mais si on était ailleurs, dans un endroit où le vide existe, alors on verrait que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Et donc, il comprend que le monde est trop plein, en quelque sorte, et que pour comprendre les lois universelles, celles qui valent partout dans l'univers, il faut faire une expérience de pensée qui nous débarrasse des choses qui nous parasitent. Oui, et puis c'est quand même celui qui va dire que le monde est écrit en langage mathématique, donc il y a effectivement une uniformisation, homogénéisation et compréhension totale. puisque le monde est finalement homogène et homothétique avec la raison et la rationalité humaine. Donc d'une certaine manière, cet infini-là, cet infini mathématique, il est absolument plein. Mais c'est pour ça que la révolution cartésienne, elle va introduire du manque, puisque le cogito, il ne fait pas partie du monde. Il n'est pas mathématique. C'est ça que j'appelais la conscience. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte de séparation des ordres qui intervient. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que On comprend que la physique, par exemple, ne répond qu'aux questions de physique. Ouais. Et pas aux autres. Exactement. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète Descartes. Et je pense qu'il introduit avec ce cogito qui va devenir pourtant vraiment le fondement de tout, enfin, de la pensée politique, plus tard, même d'ailleurs de manière contemporaine, du rapport à la nature, ça va vraiment avoir des implications dans tous les domaines. Et on va pouvoir le traduire de plein de manières différentes, ce cogito, par l'individu, par la raison, justement. Mais le cogito, c'est pas la raison, c'est pas la rationalité. Il est en amont de la rationalité. Et donc, en fait, on va avoir deux modèles, et ça c'est vraiment... ensuite, on va retrouver ça tout au long de l'histoire de la philosophie, entre le jeu qui va être pensé comme conscience et le jeu qui va être pensé comme raison. Et en effet, il y a une tentation de penser le tout comme le tout rationnel. Ça va être Spinoza, Hegel... Et puis, il y a une autre possibilité qui serait de penser le tout et puis un trou dans le tout. Et pour moi, c'est de la lignée Descartes, Lévinas. Et où est-ce que vous mettez, par exemple, le discours transhumaniste dans cette grille de lecture? Puisque dans le tout, ouais. C'est l'idée que on va pouvoir se débarrasser de tous les soucis liés à la matérialité du corps par des prothèses, par des artefacts, par de la technique, par des implants, etc. Et donc l'idée, c'est que tout ce qui semble nous manquer peut être en fait réalisé techniquement d'une façon qui nous complète. Ouais. C'est presque le contraire de cette promotion du sang qu'on trouve sur complètement. Les produits commerciaux. Mais c'est surtout considérer que ce qui nous manque peut être comblé. Or, je pense que ce qui nous manque, c'est structurel. C'est pas quelque chose qui est amené à être comblé, puisque c'est d'un autre ordre. Donc vous pensez qu'il y a trop de tout et qu'il manque du manque? La réponse, oui, je pense aujourd'hui, oui, d'ailleurs même politiquement, on est entouré de dogmatisme de tout genre, ou d'un relativisme total, mais qui finalement revient au même. La question du manque, du doute, elle est pas, enfin, d'un doute critique, en effet, elle est pas très vaillante. Mais pour revenir au transhumanisme, oui, la réponse transhumaniste, elle est clairement l'idée que la science, justement, va permettre de résoudre des problèmes métaphysiques. Or, c'est pas la même chose, enfin, c'est pas le même ordre. C'est comme si, on demandait à un plombier de résoudre un problème d'horticulture. Enfin, ce sont des choses radicalement hétérogènes. Et donc, de toute façon, la question est mal posée, à moins de considérer que l'homme, justement, n'est que cette capacité de performance indéfinie. Mais donc, c'est une vision anthropologique très, très, très idéologisée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Mazarine Pinjot, à trop séparer les ordres? Par exemple, si on dit la science ne répond qu'aux questions scientifiques. Non, questions scientifiques ne sont pas les questions qui nous intéressent le plus. Non, pas du tout. Je ne pense pas du tout ça. Je pense que la science répond à des questions qui ne sont pas scientifiques. Enfin, après, évidemment, elle répond aussi à ses propres questions, parce que les questions, elles se posent à l'intérieur de la recherche qui progresse et qui finit par identifier justement là où il y a des problèmes et ce qu'il faut continuer à résoudre. Mais je pense Non, je pense qu'il peut y avoir des questions sociales qui s'adressent à la science pour essayer, ou des questions philosophiques, voire métaphysiques ou politiques, qui peuvent s'adresser à la science. C'est juste qu'il faut bien comprendre, par exemple, si c'est une question politique, que c'est une question politique, justement, et que c'est pas une question scientifique. En fait, la distinction des ordres, il me semble qu'elle est nécessaire pour être identifiée. Pour ne pas qu'il y ait de confusion. Tout n'est pas dans tout. La science, c'est pas l'éthique. La science, c'est pas la politique. Les deux doivent tout le temps s'articuler. Mais elles ne peuvent s'articuler qu'à condition qu'on les distingue. Et si on pense que, une question politique qui s'adresse à la science est en réalité scientifique, alors on est déjà dans un contresens. En revanche, la science, bien sûr, doit discuter et dialoguer en permanence avec les autres champs. Marie-Zine Pajot, on voit bien que nos modes de consommation réclament une production d'énergie de plus en plus grande, qui ne sera pas tenable sur les longues durées, d'où le fait qu'on explique qu'il va falloir être de plus en plus sobre. Alors est-ce que cette question de la sobriété, s'articule à la question du manque, et si oui, comment? Et est-ce que vous faites une distinction entre la sobriété et la frugalité? Ouais, c'est une question difficile, parce que oui, bien sûr, ça s'articule. Bien sûr que la pensée du manque doit être en lien avec la pensée d'une certaine forme de décroissance, de sobriété, etc. Mais en même temps, comme je le rappelais tout à l'heure, à partir de la pensée antique, enfin, vous posez la question sur la philosophie antique, cette sobriété heureuse s'inscrit quand même dans une économie du désir et de la satisfaction. Moi, je pense qu'il faut changer de paradigme. Je pense que si on reste dans le paradigme justement de la satisfaction des désirs, on peut pas vraiment sortir de ce rapport consumériste aux choses. Même si c'est pour consommer moins, même si je pense qu'il faut par ailleurs consommer moins, hein, bien sûr. Je pense qu'il faut essayer de voir autrement le monde que sous le mode de la consommation. Et ça, pour l'instant... C'est très difficile. On voit bien comment cette logique consumériste a investi tous les autres champs. On parlait de différents ordres. Hein. Voilà, par exemple, la logique consumériste brouille les ordres. Il suffit de regarder l'ordre amoureux, par exemple, qui est devenu un marché, un vaste marché, alors qu'on aurait pu considérer que cet ordre-là n'était pas de l'ordre de la consommation, même si on a parlé de Don Juan, mais il y a peut-être d'autres manières aussi d'être en relation avec un autre, avec une altérité, dans un désir, justement, puisqu'on parle du manque. Ben, la relation amoureuse, elle creuse le désir, mais elle creuse le manque aussi. Si on a l'impression de posséder l'autre ou de le consommer, la relation, elle fait long feu. Enfin, elle n'est pas vouée à s'alimenter, à se nourrir d'elle-même. En revanche, lorsque le manque est là comme constitutif, là, il y a quelque chose qui peut se transformer en une relation. Et donc, si on pense, par exemple, hein, le désir amoureux uniquement sur le mode consumériste, qui est notre rapport au monde aujourd'hui dominant, je vois pas comment on peut repenser par exemple les relations amoureuses, et ça vaut pour tous les autres champs. Et la difficulté aujourd'hui, c'est justement qu'il est très difficile de sortir de ce paradigme consumériste. Et donc même la sobriété heureuse reste, il me semble, alors bon, là faudrait peut-être discuter, il faudrait voir toutes les alternatives, mais reste quand même dans ce paradigme. Et je pense qu'il faut sortir essayer de penser autrement, désir satisfaction. Peut-être qu'il faut accepter le manque, mais et non seulement l'accepter, mais pas pour s'en satisfaire, au contraire pour le nourrir, pour le cultiver. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un manque constitutif qu'il faut savoir cultiver. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que cultiver le manque, c'est aussi cultiver une forme d'inquiétude, d'angoisse. Et bon, très clairement, le mot d'ordre, c'est pas l'inquiétude aujourd'hui, c'est le bonheur. Et on a l'impression que le Graal, la seule chose qu'il faille essayer de chercher dans sa vie, c'est d'être heureux. Ben, en fait, je vois pas pourquoi. Si on est heureux, tant mieux, c'est génial. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait chercher à être heureux plutôt que de chercher, je sais pas, à être libre, par exemple, ou que de chercher à être indépendant des idéologies dominantes, ou que de chercher d'être... Ben, vous voyez, le bonheur, c'est vraiment... Alors, on est vraiment là, pour le coup, dans le paradigme du consumérisme. Et d'ailleurs, maintenant, le bonheur, il peut s'acheter d'une manière ou d'une autre, y compris à travers des pratiques... qui seraient des pratiques de sagesse. Enfin, voilà, maintenant, on a des kits. Mais est-ce que le problème, dans ce que vous dites, c'est pas plutôt qu'il y a une sorte de présentation d'une idée très précise du bonheur? Oui, mais bien sûr. Et comme il est défini d'une façon très précise, on est capable de voir ce qui manque entre ce qu'on vit et cette idée du bonheur, et du coup, ce manque réclame qu'il soit comblé par telle ou telle pratique, par tel ou tel achat, par telle consommation. Bien sûr, mais c'est qu'on a produit une idée du bonheur, soit qui serait un peu justement sur le modèle antique, une sorte de sobriété heureuse, comme ça, soit au contraire, sous l'angle, là aussi, d'une forme de consommation d'image à travers, je sais pas, des paysages fabuleux, enfin voilà, tout ce qui se passe sur les réseaux. Est-ce que c'est pas ça le ressort de la publicité, de mettre en scène ce qui nous manque, mais dont on ne savait pas qu'il nous manquait? Bah, de créer un manque artificiel. Ouais. Et comment est-ce que vous pouvez espérer vous dites qu'il faut un changement de paradigme, mais comment est-ce qu'on peut l'opérer Alors ça, je sais pas encore le... ça si, je savais comment. Mais déjà, en le pensant, enfin, le rôle du philosophe, c'est pas... Enfin, Marx dirait le contraire, c'est pas de transformer le monde, si bien sûr, peut-être à terme, mais déjà, le penser, c'est quand même un préalable nécessaire. C'est-à-dire, au moins, identifier, essayer de changer la manière de voir les choses et de se dire, bah, c'est pas parce qu'on nous vend ce bonheur, ou même l'idée que le bonheur est la finalité absolue. En ce moment, il y a quand même ça, deux grands dogmes qui sont ininterrogés, non questionnés et qui semblent être évidents, c'est le bonheur et la santé. La grande santé, la santé physique, hein, et le bonheur. Et donc, typiquement, lorsqu'on achète un produit sain, qu'est-ce qu'on fait ? On achète de la santé. C'est ça qui est promis dans l'absence du produit toxique ou de l'ingrédient toxique. Et c'est pour ça qu'on est d'accord pour acheter un peu plus cher. Donc il y a comme ça une sorte de dogme ininterrogé, d'idéologie sous-jacente ininterrogée. Peut-être que c'est bien, que la grande santé est quelque chose effectivement qui vaut la peine, qu'on lui sacrifie beaucoup d'autres choses. Mais peut-être pas. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question. Et bon, le philosophe, il est là, la philosophie, normalement, elle est là justement pour venir réinterroger ces évidences pseudo-naturelles, ces évidences qui sont en réalité construites. Qu'est-ce que vous avez parlé tout à l'heure, Mazarine Pajot, de la pléonaxie ? C'est un mot que je ne connaissais pas, qui est en fait le fait de toujours vouloir plus ? Oui, c'est ça, c'est de vouloir toujours plus, et plus que les autres, et plus mais pour soi-même. Quel statut il faut lui donner ? Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Est-ce que ça fait partie de nous ? Est-ce que c'est une tendance humaine que n'ont pas les autres espèces animales, qu'est-ce qu'on en fait ? Et est-ce que c'est quelque chose qui se trouve chez tous les êtres humains ? Est-ce qu'il y a une typologie des humains qui les classe différemment selon qu'ils sont ? On voit bien qu'il y a des gens qui aiment le fait de se donner des limites, de se s'imposer une certaine forme de la simplicité existentielle. Même la cesse est une forme de jouissance. Ils sont parfois rayonnants d'ailleurs. Mm-hmm. Ce qui doit provoquer la jalousie de ceux qui ne rencontrent pas le bonheur alors même qu'ils consomment énormément. Ça, c'est une question extrêmement difficile de savoir si c'est toujours la question rousseauiste, c'est de savoir qu'est-ce qui est premier, est-ce que c'est la nature humaine ou est-ce que c'est la société, est-ce que le désir d'avoir toujours plus, il est produit par la société ou est-ce que il est inhérent à la nature humaine? Le désir, il est inhérent à la nature humaine. C'est là toute la question. Mais le désir de quoi ? Et à partir du moment où la société va apporter une réponse à cette question en disant le désir d'objet ou le désir de bien de consommation, là, en effet, la pléonexie peut entrer en jeu. Parce que le désir, c'est pas nécessairement un désir d'être plus que les autres, d'avoir plus que les autres. Donc là, il y a une sorte de conjonction entre quelque chose qui serait de l'ordre d'une nature humaine, même si c'est toujours très hypothétique de parler de nature humaine, et de l'autre. Mais on peut quand même supposer que la nature humaine est manquante, ne serait-ce que, alors là, pour le coup, d'un point de vue très très simple, qui est le nouveau-né. Le nouveau-né est un être absolument dépendant, contrairement à la plupart des nouveau-nés, ou en tout cas très rapidement dans le règne animal où on est autonome. Le nouveau-né est un être dépendant et donc il manque, c'est un être manquant. Et donc très rapidement, il va savoir que la relation avec l'autre est sa condition de survie. Et là, sa relation avec l'autre, c'est pas juste d'être nourri et échanger, c'est d'entrer assez rapidement dans l'ordre du langage justement et dans l'ordre du symbolique. Donc ne serait-ce que pour ça, l'être humain demeure un être manquant. Nous savons que nous sommes mortels. Enfin voilà, nous sommes constitués par le manque. Nous devons faire avec cette chose-là. Alors après, qu'elle se traduise par la pléonexie ou qu'elle se traduise, là, c'est la réponse sociale. Et la société va plus ou moins réactiver ce désir en lui donnant des objets ou en l'orientant vers d'autres choses. Et là, la société capitaliste, clairement, capitalise aussi justement sur la concurrence, la performance et ces différents types de... Mais vous êtes d'accord qu'il y a du sang, ou du SANS, je précise à chaque fois, qui est négatif ? Bien sûr. Sans domicile fixe, c'est quand bien même sûr. Négatif. Ouais. Alors, c'est là où je dirais que ce sang qui est SANS, donc toujours, parce que c'est vrai que sinon, la façon de faire une émission sur des polars, quoi. Ce qui serait bien aussi, hein, mais. Donc là, le sang SANS des produits marketing, et donc cette capacité du marché à transformer l'absence en présence, elle a quand même un reste. Je disais tout à l'heure que le capitalisme, comme la société du spectacle, était capable de tout récupérer et de tout mettre à profit. Elle a quand même un reste, et ce reste, c'est les hommes sans. sans toit, sans papier. Et ceux-là, ils sont pas intégrés. Enfin, ceux-là, ils sont mis de côté. Ceux-là, il n'y a pas de recyclage possible. Vous savez, le recyclage qui devient un peu un mot d'ordre, ils sont pas recyclés. Et donc, il serait presque, on pourrait supposer qu'il serait presque la condition de possibilité pour que tous les autres sangs puissent alimenter le plein. Enfin, voilà, transformer le manque en plein. Sauf que ce sang-là, ben, il est, voilà, il n'est pas transformé tant qu'il n'y a pas une action politique volontariste. Et là, on sort de la question du marché. Ce que vous dites à propos de l'absence qui peut être transformée en présence, ça me fait penser à la découverte des antiparticules. Dans les années 30, un physicien britannique qui s'appelle Paul Dirac conçoit une nouvelle image du vide. Mmh. Le vide, c'est en fait plein de trous remplis. Les trous sont remplis par des électrons avec des énergies négatives. C'est un vide qui contient la matière cachée. Et puis, si on donne de l'énergie à ces particules qui sont dans des trous d'énergie négative, on les fait sortir dans le monde visible, dans le monde observable, dans le vrai réel, et ce sont des antiparticules. La pensée du manque en physique, je reviens là-dessus, parce que mon chapeau était consacré à la matière noire, non, mais il y a d'autres occasions de penser comment le vide, quand il se remplit, donne aux physiciens des façons de compléter l'ontologie du monde, enfin d'ajouter au mobilier ontologique du monde des éléments. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous citez Schrödinger, ça m'a beaucoup surpris, Erwin Schrödinger, ouais. Qui dit ceci, alors je crois que c'est dans son livre « Qu'est-ce que la vie ?» Il dit ceci, « Ne perdez jamais de vue le rôle qu'a votre sujet particulier dans la grande représentation de la tragicomédie de la vie humaine. Gardez le contact avec la vie, non pas tant avec la vie pratique qu'avec le fond idéal de la vie, qui est toujours tellement plus important, et maintenez la vie en contact avec vous. » Comment est-ce que vous comprenez ça, relativement à la question du manque que vous traitez ? Ouais, pour moi, Schrödinger, c'est un humaniste, dans le sens où justement il pense la science toujours en lien avec l'ensemble, enfin avec un ensemble de savoirs. Et la science, non pas scindée ou non, de tout le reste du vivant, mais comme participant de la compréhension globale des choses. Et justement, c'est celui qui peut répondre, par exemple, au transhumanisme, il me semble. Ou pour le transhumanisme, la science est l'alpha et l'oméga, dans le sens où elle pose les questions et elle a les réponses. Je pense pas que la science puisse poser la question du sens de la vie. Ou de ce que c'est que l'homme. En revanche, elle peut répondre à « je voudrais vivre plus longtemps ». Voilà. Et c'est dans cette confusion-là, en fait, que... Schrödinger nous enjoint non pas d'arriver à comprendre la physique quantique, mais de vivre sa vie d'homme. Il a quand même beaucoup essayé de comprendre la physique quantique. Il a débusqué des paradoxes, notamment le fameux chat éponyme, le chat de Schrödinger. Et puis, pour ce qui est de sa vie d'homme, il a eu une vie amoureuse extrêmement intense, tourmentée. Ce qui lui a valu d'ailleurs pas mal d'amis. Il a été un grand consommateur, une sorte de don Juan. Ouais. Donc je me demande s'il est bien sincère quand il écrit cette phrase. Non, mais pour lui, c'est vivant, la science. Enfin, c'est aussi ça que ça veut dire. Ça vient répondre. Enfin, c'est pas quelque chose de purement théorique qui est délié des conditions d'existence. Donc, je pense que ça vient aussi apporter du sens. Enfin, ouvrir des horizons et ça s'inscrit dans un ensemble. Je trouve que c'est intéressant de relier. Aujourd'hui, on est dans une telle parcellisation des savoirs, d'essayer de créer un lien entre les différents savoirs. C'est encore une fois, c'est l'idéal de l'honnête homme, quoi, des humanités où on était encore capable d'être à la fois scientifique, philosophe, mais pourquoi pas géographe. Enfin voilà, d'avoir tout un champ comme ça de différentes disciplines, mais de les mettre en relation. Et ça, c'est... Moi, il me semble que certains physiciens de cette époque-là étaient capables de ça. Mais est-ce qu'il faudrait enseigner le manque ? Est-ce qu'il faudrait ajouter, dans les différents cursus, scientifiques ou autres, des cours sur le manque ? Oui. Non, mais il faudrait... Est-ce qu'il y a une morale du manque ? La morale du manque, c'est la morale critique. C'est apprendre à questionner. Mais à questionner de manière méthodique, pas à questionner pour douter de tout. Ça, c'est une réponse facile. Enfin, c'est une réponse facile. J'exagère parce qu'il y a quand même une grande tradition de sceptique qui est magnifique. Mais aujourd'hui, on voit ce que c'est que le scepticisme généralisé qui va donner lieu à une forme de négationnisme ou de complotisme ou de croyance dans tout et n'importe quoi, dans les fake news et ça. Non, il y aurait une manière de questionner de façon méthodique. indique, de remettre en question de façon méthodique, c'est-à-dire de pas tout remettre en question, mais d'apprendre à questionner les choses. Là oui, il y aurait une forme d'enseignement du manque. C'est et à partir de là, faire ce que l'IA ne peut pas faire. Exactement. L'IA ne peut pas dire il me manque quelque chose. Exactement. Elle peut pas poser de questions, elle peut pas. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'il faut résister par une philosophie du manque, parce que c'est la seule à même de maintenir, de préserver quelque chose qui serait de l'ordre d'une singularité humaine par rapport à ses productions. Vous parlez dans votre livre du fameux anneau de Gigès. Ouais. En quoi est-ce qu'il éclaire cette question du manque ? J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais en vous écoutant là maintenant, ça me revient. Oui, alors Gigès, c'est le berger qui trouve cet anneau. Quand il le tourne, il devient invisible. Et donc, d'ailleurs, ça c'est très marrant, parce que quand on fait de la philosophie avec les enfants, par exemple, on leur pose la question, si vous étiez Gigès et que vous découvriez un anneau qui vous permettrait de devenir invisible, qu'est-ce que vous feriez ? Donc les premières réponses, c'est j'irais voler une banque. Voilà, ça c'est pour la morale immédiate de nos enfants. Et puis bon, après, on élabore un peu et puis on finit par se demander, c'est la question qui est posée en fait par Platon dans la République avec Gigès, qui est... pourquoi on fait la morale, au nom de quoi on l'a fait, ou au nom de quoi on lui obéit. Et Gigès, clairement, à partir du moment où on le voit pas, ben il va tuer le roi et épouser la reine. Donc il le fait pour des raisons purement sociales. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne serait moral que pour des questions de jugement social, et non pas du tout au nom d'un principe supérieur ou pour, comme le dirait Socrate, être ami avec lui-même. Voilà. En quoi la question cette histoire, ce mythe de Gigès, éclaire-t-il la question du manque ? Quelle morale est-ce qu'il faut en tirer ? Non, parce qu'en fait, Gigès introduit la question sur la justice, qui va donner lieu, de la part de Calliclès, à sa controverse avec Socrate. Et Calliclès, c'est vraiment un adversaire redoutable pour Socrate, parce que en fait, il a raison d'une certaine manière, et Socrate, il n'arrive pas complètement, enfin, en tout cas, à réfuter ses arguments, et donc là, il va lui parler des tonneaux percés, en disant mais c'est pas une vie possible, les tonneaux percés, puisque c'est incessant, on n'arrive jamais à la paix, qui est quand même l'objectif principal des Grecs, et y compris la paix avec soi-même, c'est ça la définition de la justice pour Socrate, hein, la paix avec soi-même, ce qui ne serait pas le cas de Gigès, qui peut pas faire la paix avec lui-même, puisque dès qu'on le regarde pas, ben, il fait des choses pas bien. Et donc Calliclès, en disant ben, non, la vie, c'est ça, c'est les tonneaux percés, ben, d'une certaine manière, il n'y a pas complètement tort non plus. Donc ça réinterroge encore une fois cette question de la nature du désir. Qu'est-ce que c'est que le désir ? Est-ce qu'il faut se débarrasser du désir ? Est-ce que le désir est un problème ? Moi, je pense que ça n'est pas un problème. En revanche, je suis pas sûre que la réponse de Calliclès soit la bonne. Et c'est toute la difficulté d'essayer de penser le désir, ni qu'il soit satisfait. C'est pour ça que la sobriété heureuse, ça serait quelque chose de satisfait parce que limité. Je suis pas sûre qu'on puisse satisfaire un désir. Et donc là-dessus, Calliclès a raison. En revanche, de satisfaire son désir en multipliant les objets de ce désir, et donc en fait en entrant dans la logique consumériste, c'est pas non plus une réponse très satisfaisante. Et donc voilà, c'est toujours cette troisième voie un peu étroite que serait le désir, qui nous permettrait de réinvestir le manque, c'est-à-dire le manque structurel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être manquant, et de quoi manquons-nous ? Alors sans doute ne le savons-nous pas, mais du coup, on est bien obligé d'inventer quelque chose pour essayer de dépasser ce manque. Mais c'est presque une démarche quantique, Mazarine Pinjot. Ah bon ? Parce que vous superposez deux choses qui semblent contradictoires. D'abord, vous réhabilitez le désir, et en même temps, vous donnez à la privation, ouais, une certaine valeur positive. Bien sûr. Donc vous articulez le désir et la privation. Mais parce que c'est pas forcément une privation. Enfin... C'est une privation, mais la terminologie, c'est pour ça que c'est très difficile d'en parler, parce que c'est pas une privation de quelque chose. C'est ça que j'essaye de dire, c'est-à-dire qu'on manque, mais on manque pas de quelque chose. Parce que si on savait ce dont on manquait, ben, là, pour le coup, peut-être que les transhumanistes auraient raison et que la science pourrait trouver la martingale pour combler ce manque. Nous sommes des êtres manquants, ne serait-ce que parce que nous savons que nous allons mourir. Et ça, ça ne peut pas être comblé parce que c'est ça qui donne sens à notre existence. Donc ça, si c'était comblé, ben, notre existence n'aurait plus le sens. D'ailleurs, si nous étions immortels, ben, notre existence n'aurait plus de sens. Et donc, vouloir combler le manque, à la fois, c'est ce moteur-là qui fait qu'on produit, qu'on cherche, qui nous donne notre énergie créative, de rencontre, etc. Mais en même temps, ça ne peut pas être comblé. Et donc, si ça ne peut pas être comblé, en revanche, ça peut être symbolisé. C'est la seule voie, et c'est la voie qu'a trouvée l'homme pour arriver à vivre avec ce manque. Mais moi, je pense qu'il faut justement cultiver ce manque d'une certaine manière, sans se laisser abattre par lui. Et c'est, encore une fois, une voie très étroite, très difficile. Et donc, il est difficile de militer pour cette voie parce qu'elle est plus ardue. Donc, nous savons que nous sommes mortels. Donc, ça crée un manque qui est impossible à combler. Mais ça n'empêche pas de vouloir augmenter son espérance de vie en consommant des produits sans. C'est ça, finalement. Bien sûr. Mais c'est pas en consommant des produits sans qu'on va combler ce manque. Il faut juste le savoir. Il faut juste comprendre que c'est d'un autre ordre et que si vraiment on veut se confronter à ce manque, alors allons-y. Et là, ça donne les plus grandes œuvres d'art, ça donne les plus grands romans, ça donne la philosophie. Ben, votre livre, Mazarine Pinjot, s'appelle, je le rappelle, « Vivre sans une philosophie du manque ». Vous l'avez écrit il y a plusieurs mois, peut-être même vous l'avez travaillé depuis plusieurs années. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous le relisez, vous avez l'impression qu'il lui manque quelque chose? Bon, déjà, je le relis pas trop. Je me relis, hein, je vous rassure. Quand je travaille, mais une fois que c'est publié, je trouve que c'est toujours un peu difficile de se relire. Parce que d'abord, on peut plus rien faire, donc c'est frustrant. Et oui, heureusement que quelque chose n'est jamais total. D'ailleurs, il n'y a jamais d'œuvre totale. Et heureusement, d'une certaine manière, c'est ce que disait Victor Hugo, et d'ailleurs, je l'ai mis en exergue, sur la fiente d'aigle. C'est-à-dire qu'il parlait de Racine en disant, oui, c'est vraiment la perfection, il lui manque une petite chure, quoi. Il lui manque un truc qui vient creuser cette perfection et qui, tout à coup, ouvre comme un appel d'air, quoi, à la lecture, au rêve, à l'imaginaire. Et en fait, il faut toujours qu'il y ait ce petite chose qui vienne déclore la totalité. C'est un peu ce que Picasso aussi faisait lorsqu'il disait « j'aime inachever mes œuvres ». Une œuvre achevée ou quelque chose d'achevé, ben c'est la mort d'une certaine manière. Donc il y a cette idée que l'inachèvement comme une action, enfin venir inachevé, ouvrirait l'œuvre à autre chose qu'à elle-même. Et je trouve que c'est une idée magnifique. C'est-à-dire que finalement, le manque rend le monde respirable. Je pense. Et que s'il n'y avait pas ce manque, s'il y a une sorte de trop-plein, on étoufferait. Bah, je pense. Et puis surtout, on ne serait pas humain, on serait des robots. Mazarine Pinjot, notre émission touche presque à sa fin. Je vais lire la dernière phrase de votre livre, qui est écrite dans un style assez différent du reste du livre. Oui, pour merci avoir... de le préciser. Voilà, parce que... voilà vous dites, et c'est la dernière phrase. Il faudrait sortir le sang, S-A-N-S, de sa logique marchande et même du schème de décroissance pour qu'il désigne à nouveau cet excès vers le rien qui troue l'immanence du monde. Alors là, je me suis dit, mais c'est une sorte d'oscillation entre le chaos, le rien, le vide, la chose, le monde. Vous pouvez préciser? Oui, en fait, tout le livre est en cheminement d'une réflexion vraiment d'abord sur la langue et sur le marketing et sur cette grammaire du sang, S-A-N-S. Et qui va progressivement vers une explication, une interprétation métaphysique du rapport entre le tout et le vide, ou ce qui viendrait creuser ou trouer ce tout. Eh bien nous allons trouver cette émission en écoutant la chronique d'Alexandra Delbo avec science. Existe-t-il un lien entre cycle lunaire et cycle menstruel? Ils sont associés depuis la nuit des temps, car leur durée est à la louche assez semblable, 28 jours. Pour notre satellite naturel, c'est fixe, 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 12 secondes précisément, avec 8 phases. Le cycle menstruel a 3 phases, mais il est beaucoup moins stable, d'une femme à l'autre déjà, et même au niveau individuel, il y a des variations que l'on peine encore à comprendre. Claude Gronfier est chronobiologiste, chercheur CERM au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon et dernier auteur de cette étude parue dans Science Advances. La durée du cycle menstruel, elle est très variable. On a coutume de penser qu'elle est aux alentours de 28 jours. En fait, c'est variable d'une femme à l'autre et même au sein d'une même personne, il y a des variations au cours de la vie. Il est d'environ 28 jours parce qu'il est compris globalement entre 25 et 35 jours à peu près. Ce qui fait qu'il y a de grandes variations. 10 jours d'écart entre deux femmes, par exemple, c'est complètement possible. Donc, le fait de penser que le cycle est de 28 jours, c'est un petit peu une idée préconçue. Alors, on avait l'habitude de penser que la deuxième partie du cycle, qui est celle qui va suivre l'ovulation jusqu'au premier jour des règles, cette deuxième phase qu'on appelle la phase lutéale, elle était très stable et on disait qu'il avait 14 jours. Ça, c'était quelque chose qu'on avait tous à l'esprit. Alors que la première partie, qui dure aussi à peu près 14 jours, elle était connue pour être plus variable. En vérité, elles sont toutes variables. La dernière phase est peut-être la plus stable, c'est entre 13 et 16 jours. Mais vous voyez, ça n'est pas 14 jours comme on le pensait il y a quelques temps. Ce qu'on connaît bien, ce sont les différentes phases. D'abord, après quelques jours de repos, la phase de croissance folliculaire démarre et plein de candidats au poste d'ovule se préparent. Ensuite, la phase de croissance du follicule gagnant, qui est aussi la phase de fertilité. L'élu va finir par sortir de l'ovaire et entamer son périple vers l'utérus. Et finalement, vient la phase lutéale, où l'endomètre, la paroi de l'utérus, s'épaissit pour accueillir un éventuel œuf fécondé. Tout cela s'enchaîne en harmonie, ce qui laisse penser que c'est le déclenchement de l'une qui entraîne l'autre. Est-ce vraiment le cas? Qu'est-ce qui dicte l'apparente régularité du cycle en moyenne? C'est ce qu'ont voulu regarder ces chercheurs à partir de bases de données américaines et européennes sur le cycle menstruel. Au total, les cycles de 3000 femmes outre-Atlantique et 27 000 sur notre continent ont été analysés afin de mieux comprendre sa régularité par des analyses statistiques circulaires. Premier résultat, quand on compare le cycle au précédent et au suivant, individuellement, la régularité ne s'explique pas par la somme des trois phases. Mais il y a une stabilité globale du cycle de chaque participante. Comme si une correction était apportée sur le temps long, un peu comme se synchronise notre horloge circadienne avec la lumière. La Lune vient dans la seconde partie de l'analyse. Un lien avait déjà été mis en évidence il y a 3 ans par une étude allemande menée sur un groupe de 30 personnes seulement. Second résultat donc, il y a une association occasionnelle mais significative entre le cycle menstruel et le cycle lunaire. Cette association-là, elle existe, elle se produit, et le point le plus important, afin que nos résultats ne soient pas mal interprétés, c'est que le cycle menstruel n'est pas en phase avec le cycle lunaire tout le temps. Ce n'est pas le cycle lunaire qui crée le cycle menstruel. Il existe simplement une association temporelle, occasionnelle, avec le cycle lunaire. Et pour être plus précis, le cycle lunaire d'une femme, par exemple, qui aurait un cycle de 25 jours, prenons un cas assez court, il n'est pas du tout en phase, en moyenne, avec le cycle lunaire. Mais occasionnellement, il va être en phase avec le cycle lunaire pendant quelques jours. Le premier jour du cycle menstruel va démarrer à peu près, alors comme on l'a vu dans notre étude, à deux phases particulières selon qu'on est en Europe ou selon qu'on est aux États-Unis, mais on va avoir une association de quelques jours avec le cycle lunaire, et puis cette association va s'échapper, et le cycle va à nouveau dériver avec sa propre période de 25 jours. Puis, au bout de quelques mois, à nouveau, il va y avoir cette association. Ce que suggèrent ces résultats, c'est que le cycle menstruel serait très faiblement synchronisé avec le cycle lunaire, c'est-à-dire occasionnellement. Alors, pourquoi et comment, on l'ignore, et ce sera la prochaine étape, comprendre plus finement ce qui régit le cycle menstruel et possiblement le corriger par une approche chronobiologique. Mais il y a un petit détail qui a toute son importance. Chez les Européennes, le cycle commençait le plus souvent lors de la phase croissante de la Lune, alors que pour les Américaines, c'est la phase de pleine lune. Pourtant, il y a peu de différences biologiques ou environnementales entre nos deux régions de continent pour l'expliquer. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore un loup dans cette histoire. Merci Alexandra, merci à vous Mazarine Pinjot. Je recommande la lecture de votre livre « Vivre sans, une philosophie du manque » qui vient de paraître chez Climat. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.